je les oublie. C'est ainsi qu'il se fait tard et je dois m'en aller. Je suis déjà sur une autre planète. Le cœur et la tête. Tu veux passer une soirée culinaire, culturelle et chic? Viens célébrer avec nous la rencontre entre le terroir québécois et la cuisine du monde grâce à Évasion Cosmopolite, un cocktail gastronomique au profit du Centre social d'aide aux immigrants. Au menu de la soirée, tirage, prix de présence, encan, menu 8 services et prestations de danse internationale. De plus, la première consommation d'alcool est gratuite. Viens nous rejoindre le 25 novembre prochain à 19h30 au Centre La Jeunesse, métro Jean Talon. Pour plus d'informations et pour vous procurer des billets, téléphonez au 438-275-6979 ou écrivez à fusion.production2010@commercial.gmail.com. On vous attend. Bonjour chers amis, ici Yves Lambert. Cette année encore, il me fait plaisir de participer à la soirée bénéfice Jeunes musiciens du monde qui aura lieu le vendredi 19 novembre au Club Soda. Seront aussi présents Pascal Picard-Ben, les Lost Finger, Papa Groove, Antoine Graton, So-Called, Samian, Alex Nevsky, Wesley, Chantal Archambault et autres invités. Billets disponibles sur jeunesmusiciensdumonde.org et au Club Soda. Une présentation de la Capitale Groupe Financier. Choc FM est fier d'être associé à l'édition 2010 de M pour Montréal. Pour souligner son 5e anniversaire, M pour Montréal vous donne encore plus de musique de Montréal et du reste du Canada. Au Cabaret et Studio Jusqu'au Rire, le showcase officiel avec Random Recipe, Jason Bajada, Aids Wolf, Valise, Black Feelings et plusieurs autres. Au Café Campus pour le Franco M 2010 avec Yann Perrault, Alex Nevsky et Jésus les Filles. Sans oublier l'événement de clôture M pour Metropolis avec La Patère Rose, Pascal Picard-Ben, Christus, The Beers, Mister Valère et Poirier. Mis en vente sur Admission, Ticketmaster et Ticket Pro. Programmation complète sur le www.mpourmontréal.com. Vous rêvez de palmiers et de chaises longues? Ne cherchez plus! L'ATSA vous invite à son événement tout inclus de l'état d'urgence ultime édition. Du 25 au 28 novembre, 24 heures sur 24 sur la place Émilie-Gamelin, métro Berry, profitez de nos forfaits artistiques, dont une soirée avec les Sept Doigts de la Main et l'Orchestre d'Hommes Orchestres. Gentils auditeurs, rejoignez-nous sur www.atsa.qc.ca et sur Facebook. Du 25 au 28 novembre, nos gentils organisateurs vous attendent avec des activités gratuites dont personne ne sera exclu. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Cloche sonne, c'est qui donne 170%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait de fort, du bon fort, j'attends et doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pardonne-lui. Rien de méchant, pas de bêtises, pas de Jésus, les doutes tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Qu'on s'est endormi depuis, qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit. Vive la vie, vive le vin douteux à 70%. Enregistré pour toujours. Donc, les amis de 70% sont à la foire de l'absurde au Brouhaha, 5860 de Lorimier, Montréal, Québec, Canada, Amérique du Nord. Pour couronner ces quatre jours de fête, Bruno, notre éditorialiste et lecteur de nouvelles préférées, a choisi Whitefire comme long métrage, parce que c'était son choix cette année. Vous allez donc entendre ce long métrage de 1985 que l'on décrit comme ceci. à -8,5 Whitefire, ou en français Vive pour survivre ou Le Diamant, est un film américano-franco-turc racontant les détours de scénario que prendra un héros un petit peu incapable pour parvenir à faire l'amour avec sa sœur. Franchement, une source conséquente de questions profondes. Bien que vous n'aurez droit ici qu'à l'audio, nous vous invitons à aller vous promener sur le site de www.douteux.org pour y trouver un lien menant vers la diffusion en stream du dit film. Live sur le net, va peut-être même avoir l'ambiance qui se passe au brouhaha. Vous vous en doutez, ce n'est qu'une phase et tout le monde sera de retour la semaine prochaine pour encore et fièrement vous donner leur strict minimum. 70%, ça me tente pas de finir ma phrase. Les enfants avec toi. Et vite. Pas les queues sur la plage. Tu y trouveras un Américain. Sur la plage? L'Américain? Oui, vite, dépêche-toi. Je t'y rejoindrai. Ne crains rien. Je t'en supplie. Vite. Dépêche-toi. Thank you. Je suppose c'est leur mère. C'était leur mère. Faut pas rester ici, les enfants. Allons-y. Je suis un ami de votre père. Il faut venir avec moi. N'ayez pas peur. Il viendra vous chercher. Allons-y. Médor, occupe-toi de la petite. Yvan, empêche-les de nous suivre. Vite, les enfants. Venez. Quel est ton nom, toi? Mike. Et... C'est ta sœur? Oui, Ingrid. Istanbul, 20 ans plus tard. Papier, Miss Ingrid. Les voilà, vous me connaissez pourtant. C'est les ordres. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un diamant? Tu ne l'as pas volé? Non! Non! Non! Non! Non! Non! Oui, je l'appelle. Mike! Mike! Oui, j'arrive. C'est pas le feu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Ingrid. Salut, petite sœur. Qu'est-ce que tu me veux? Salut, Mike. C'est mon anniversaire. Tu as oublié que tu m'as invité. Je prends mes affaires et j'arrive. Ok. Dépêche-toi. J'arrive. C'est pour aujourd'hui. Petite balade dans la montagne. Gros, il file-moi le pique-nique. Un conseil, prends la route des crêtes. Il y a moins de contrôle et ils sont plus souples sur le littoral. Hé. Pas de bêtises. Je sais ce que je fais. Et elle est mon meilleur passeport. Tout le monde l'apprécie et a confiance en elle. Oh. Et je tiens ma peau. Allez, t'en fais pas, Sam. Assois. Vous avez terminé? Oui. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. C'est mon anniversaire et mon frère vient me chercher. Pour que je ne sois pas triste ce jour-là. Il s'occupe gentiment de vous, votre frère. Oui. Il veille sur moi jour et nuit afin qu'il ne m'arrive rien. Comme vous. Au revoir. Au revoir. Ingrid, vous oubliez le principal. Oh, où avais-je la tête? Merci. J'aurais aimé cet après-midi être à la place de votre frère. Tu veux que je te dise? Voler ces diamants le jour de mon anniversaire, ça m'inquiète un peu. Ne t'en fais pas, petite sœur. Les diamants, c'est l'argent, et quand on est riche, on peut tout se permettre. Hé, hey, on va avoir de la visite. Empêchez mieux. Passager. Merde. Il manquait plus que ça. Vite, descendez. Du calme. Vite, j'ai dit. Laisse-moi faire. Descendre, on a dit. Obéis-leur. Eh oui. Je veux les diamants. Je pense, monsieur Donnelly, que vous ne voulez pas perdre votre sœur. Exact. On peut discuter, peut-être. Voilà qui est bien. Les diamants. J'attends. Calme, calme. Sophia, ils sont là. Bienvenue à bord, monsieur Donnelly. Vous êtes un homme d'affaires, je pense. Si on peut gagner de l'argent, pourquoi pas? Nous serons maintenant vos clients. Et non, merci, nous avons suffisamment de clients. Si vous aimez tant les diamants, il suffit de les voler. Et prendre tous les risques. Pourquoi? Vous travaillez à la mine, les grands patrons ferment les yeux et vous autorisent à les voler. Vous partagez avec eux, personne ne risque rien. Pourquoi changer ça? Nous n'en avons pas envie. Justement, Barbossa a très envie du corps de votre sœur pour quelques jours. Ce qui vous donnera le temps de réfléchir à la proposition que je viens de vous faire, monsieur Donnelly. Eh bien, nous voilà partenaires. Partenaires? bien, ça. Ce volet entre partenaires. Ce diamant était dans notre sacoche. Et gare à lui s'il s'avise de toucher à ma sœur. Puis-je avoir une cigarette? Dur, ma petite sœur. Ça va, détache-moi, vite. Voilà qui va faire plaisir à sa patronne. Elle doit être sur le pont, je suppose. Et c'est elle qui a les diamants? Tu réfléchis trop. Eh bien, on va agir. Tu lui donnes pas un baiser? T'emmerdes. Nous allons appareiller dans 30 minutes. Que chacun soit à son poste. Je t'ai connu plus galant. Oui, mais celle-là, c'est pas mon type. Allons-y. Et on te la ramène, hein? Et on paie en bonne monnaie. Bien, ok, ça va? Il est intelligent. Allez, vite, monte. Allez, allez, démarre. Vous n'avez pas peur d'attraper un coup de soleil? Allez, allez, plus vite. Ils ont disparu. Mais moi, j'ai rendez-vous avec Papa Aydin. Il m'a dit qu'il revenait demain et il veut le fric ou le marchandise. Je connais Mike, il ne peut pas me faire ça. Oh, espérons-le. Et les boîtes de nuit, je ne pense pas que ça soit l'argent. Un petit coup de trop, peut-être. Salut. Alors, Sam, on est inquiet? Plutôt, où est-il passé? Une petite balade en mer. Cessez de vous foutre de moi. Ok, on a eu des petits problèmes. On fait des envieux, Sam. Il nous attendait dans la montagne. Qui ça, il ? Je ne sais pas. Une femme à l'accent italien qui s'appelle Sofia. Elle a l'air d'être le chef. Et une petite tête dans un corps mou, Barbossa. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils voulaient être nos partenaires, Sam. La moitié de notre moitié. Nous leur avons gentiment dit non. Et voici ta marchandise. Thanks. J'aime pas qu'on me plaisante avec ça. Tu veux que je te dise ? Moi non plus. Mais nous devons nous méfier. Ils savent tout par un complice à l'intérieur. Et si on ne découvre pas qui et vite, je ne donne pas cher de notre peau. Il y a une fuite dans le réseau. Ils savent exactement le jour, l'heure de chaque livraison que nous faisons. Cela ne peut être que par Ilmas. C'est impossible. Que suggérez-vous ? Faire semblant de partager. Et on verra où est la fuite. À vous de décider, Sam. Mais en cas d'ennui, ne comptez pas sur moi. Mais quelle surprise! On est venu faire le plein, monsieur Apaïdin? Please. Il veut jouer au malin? Eh bien, Sam, donnez-lui l'occasion de nous prouver son talent. Bonsoir. Il est antipathique. C'est aussi mon opinion. Tu as de mauvaises fréquentations, Sam. Oui, qu'est-ce que c'est ? Un homme qui demande à vous voir. Quel homme ? Il ne veut pas dire son nom et il semble très excité. Comment est-il ? C'est un mineur. Un mineur ? On en emploie des milliers. Oui, mais il y a quelque chose d'étrange chez cet homme. Il n'arrête pas de murmurer qu'il a été blessé par le dieu qu'il a vu. Dites-lui que je le verrai au puits principal dans quelques minutes. Je l'ai trouvé. Le Whitefire. Le Whitefire? Oui. Aldo. Va dire à Ingrid qu'elle vienne me rejoindre à ma voiture. C'est ici, c'est ici. Mais ce puits est fermé depuis des années. Le Whitefire, il est là. Le plus beau diamant du monde. Alors, ce n'est pas une légende. Le Dieu, le Whitefire. Regardez, je l'ai trouvé. Peut-être qu'il soit mis en vente aux enchères. Moi aussi, je donnerai ma vie pour le Whitefire. Il est à nous, la plus belle pierre du siècle. C'est moi. Il faut que je te parle. Je suis occupé sur le bateau. Pourquoi ne parles-tu pas maintenant? Je ne peux pas. Puisque je te dis que tu peux. Je ne veux pas. Rendez-vous à l'endroit habituel. D'accord? D'accord. Dans une heure, ça va? Dépêche-toi. C'est une plaisanterie. Le Whitefire n'existe pas, ce n'est qu'une légende. C'est ridicule. Puisque je te dis que je l'ai vu. Bon, d'accord, tu l'as vu. Et après, qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Réfléchis, si on s'en empare, on sera libre et riche pour la vie. Plus d'esclavage, plus d'Alpadine, plus de Yilmaz. Et on pourra enfin quitter ce pays. Ou peut-être moisir en prison pour la vie. Si tu veux savoir ce que je pense, c'est trop dangereux. Tu deviens lâche. Écoute, il y a déjà 20 ans que nos parents sont morts pour avoir voulu tenter l'affaire de leur vie. Nous ne sommes plus que tous les deux. Je ne voudrais pas te perdre, ni finir en prison. Parlons-en au moins à Sam. On verra ce qu'il dit. D'accord? D'accord. Ok. Mmh. Monsieur Yilmaz, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de cette visite? Le fait d'être partenaire. Vous avez dit partenaire. Tais-toi, je t'ai pris. Continuez. Puisque nous sommes partenaires, je dois vous faire partager un secret. Vous savez ce qu'est le White Fire? Le White Fire. Le White Fire, oui. Il est en ma possession. Et j'estime qu'il fait 2000 carats. Un diamant. Qui d'autre, en dehors de vous et de moi, est au courant? Une jeune américaine, ma secrétaire. Une jeune américaine? Qui s'appelle Ingrid. Je crois en effet avoir déjà eu affaire avec elle. Où? Quand? Pourquoi? Sans importance. Ainsi, nous sommes trois. Elle et moi sommes les deux seules personnes à savoir où il est. Je voulais que vous le sachiez. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu le verras quand ce sera dans ton assiette. Ça a l'air très bon, mais cela manque un peu de... une pincée de sel, là. Et je n'ai justement pas besoin du tien. Au lieu de nous emmerder, va plutôt chercher ta sœur. À tes ordres, Sam. Oh! Ce qui est drôle, c'est que ça manque vraiment du sel. J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es folle de te baigner nue. J'y vois aucun mal et comme tu sais, moi je n'ai rien à cacher. Eh bien, retire ta serviette. Ah! Oh! Rends-la-moi, s'il te plaît. Entre frère et sœur, tu as raison, il ne faut rien se cacher. Oh, arrête! Rends-moi ma serviette. Non. C'est stupide et c'est pas drôle. Et ne me regarde pas comme ça. Dommage que tu sois ma sœur. Excuse-moi. Dîner dans 10 minutes. Ok. Un dernier plongeon et j'arrive. Non, c'est pas trop tôt. Elle arrive tout de suite. Goûtons cette salade. Tu veux du vin? Dusty. Qui est là? Mike? Mike, si c'est toi, c'est pas drôle. C'est bon, mes fades. C'est pas grave, on va arranger ça en un tour de main. Hein, Sam? Tu ne vas pas tout saboter avec ce ketchup? Écoute, j'ai mis des tas d'herbes et des olives. Et monsieur veut y ajouter cette confiture pleine de colorants. Tiens, mais... ça va, Sam, d'accord. D'accord, je n'en mettrai pas, mais c'est fade. Ne la tuez pas, Sophia la veut vivante. Et bien vivante. Imbécile. Ne t'ai-je pas dit que je la voulais vivante? Qu'est-ce que c'est? Probablement de Steve. Fais l'entrée. D'accord. Dusty. Les bonnes femmes, elles sont jamais foutues d'être à l'heure. Je sais. Alors, si tu veux pas gâcher la soirée et que je m'énerve, tu lui dis de rappliquer en vitesse. Dusty! Dusty, où es-tu? Dusty! Oh! No! My God! Oh. Oh. Quoi va par là? Josepha! Thank you. Je sais qu'il est difficile de dire ce qu'on sent, mais quand on a vu autant de cadavres comme moi... Oh, Sam, non. Pas de phrases. La vie, j'en ai plus rien à foutre. S'il te plaît. Faut que je te parle. Non. Non, Sam, je ne veux rien écouter. Pourquoi devrais-je vivre maintenant, Sam? S'il te plaît, laisse-moi seul. Je peux pas. Pas plus que j'ai pu vous laisser tous les deux sur la plage il y a 20 ans. Non, s'il te plaît. Je suis sûr qu'Ingrid... La ferme, Sam, tu vas te taire, merde. Ne prononce jamais plus son nom, Sam. Plus jamais, je t'en supplie. Jamais. Pourquoi, Sam? Pourquoi? Non, je la garde. Je crois que vous avez assez bu. Foutez-moi la paix. On pourrait passer la nuit chez moi. J'ai dit de me foutre la paix. Excusez-moi. Non, c'est rien. Alors, je vous emmène. Vous avez des peines de cœur? On ne peut rien vous cacher. Je dirais pas non. Allez, du vent. Hé, hey, pas le gars. Oh, on pourrait. Elle lui. Vous a dit non. T'es sûr? Ça va mal finir. Venez avec moi, je vais vous accompagner. Vas-y. Est-ce que c'est grave? Non, c'est une bonne cuite. Il y avait son adresse dans son portefeuille, alors je l'ai ramené. Ça vous étonne? Hein? Non. Non, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ma gueule vous revient pas? Non. Non, bon, mais... On était ensemble au bar. Il a bu un peu trop et il s'est battu. Alors je l'ai raccompagné. Ça va? Et puis je vous le laisse. Je crois qu'un peu de café lui fera du bien. D'accord. Et la fille qui t'a ramené ici. Sans elle, je crois que je ne serais pas là. Est-ce que tu l'as bien regardée? Oui, c'est une belle fille. Tu sais à qui elle me fait penser? Tu me casses les pieds. C'est le sosie d'Ingrid, c'est pas l'Herzer. On jurerait que c'est elle. Où veux-tu en venir? La faire passer pour elle. Personne ne s'en apercevra. Elle prendra sa place. On pourra continuer pour se tirer d'ici. Je dis que tu déconnes à plein tube. Est-ce que vous seriez intéressé à gagner 50 000 dollars? Ben oui, vous connaissez quelqu'un qui refuserait 50 000 dollars? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vous écoute, messieurs. Faites un effort, Olga. Je vous ai dit qu'Ingrid parlait russe couramment. Vous devez connaître au moins quelques mots. Azadrovova. Non, pas ça. Dasha Starova. Faites un effort, tout de même. Je vous ai dit que c'est indispensable. Concentrez-vous. J'en ai rien à foutre. J'en ai marre des qualités de votre sœur. Elle parlait russe, oui, ça je le sais. Mais c'est pas de ma faute, je fais ce que je peux. J'en ai par-dessus la tête d'entendre Ingrid faisait ça, Ingrid faisait ci. Je l'emmerde, votre Ingrid. Gare à vous, si vous insultez ma sœur. N'oubliez pas qu'on vous paie pour ça. Si vous voulez votre fric, alors faites un effort. Mais je vous interdis d'insulter ma sœur, je ne l'accepterai pas. Mike? Mike! Oh, Mike! Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je fais tout ce que je peux. J'essaie de faire ce que vous attendez de moi. Mais je ne suis pas votre sœur. Et si je ne réussis pas ce qu'elle aurait fait, ce n'est pas de ma faute. Je vous assure. Comprenez qu'il est difficile pour une femme de changer de personnalité. Je vous demande d'être patient. We can. Non, Olga. Autant que tu t'appelles Sam. Mais maintenant, je m'appelle Ingrid. Sam, et si vous me parliez un peu de ce petit voyage? Voyage? Oui. Des petites vacances. On vous gardera 3 semaines. On me gardera? Mais tu ne viens pas avec moi, Mike? Non, il y a trop de choses à préparer. Seulement 3 semaines. 3 semaines? Mais enfin, il peut m'arriver quelque chose. Je n'y vais pas simplement pour qu'on m'arrache une dent. Mais ils vont me transformer tout le visage, n'est-ce pas? Et si le docteur fait une erreur? Elle ne peut pas se tromper. Elle? C'est une ex... Mais c'est une femme? Plus capable qu'un homme. En chirurgie esthétique, elle est la plus capable. Vous n'avez rien à craindre. J'ai besoin d'argent, mais je le paie cher. Réussira. J'espère. Et je me demande si j'ai le droit. Tu as certaines révélations à me faire. Putain, merde! Je déteste avoir recours à la violence. Mais nous avons eu tellement de mal pour te trouver. S'il te plaît, essaie de te rappeler. Olga. Elle vit avec un homme. Qui est-il? J'en sais rien, moi. Alors, fais marcher ta mémoire. Je suis pressé. Qui est-ce? Non. Fais un effort. Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer. Aussi, ne me fais pas attendre, car tu pourrais ne plus parler. D'accord. Non. Et qui s'appelle? Il s'appelle Mike Donnelly. Il vit chez... Ah. Chez un Américain. Ainsi, on trouve... Mike Donnelly. Et on retrouve... notre chère Olga. Merci. Un petit cadeau. Bienvenue, mademoiselle. vous occuper de vous. Ceci est le bloc opératoire, d'où vous ressortirez avec un nouveau visage. Toutes ces jeunes filles sont là pour satisfaire vos moindres désirs. La perfection de leurs traits est le meilleur gage de réussite. La disparition de votre secrétaire ne vous inquiète pas? Pas le moins du monde. Elle a dû partir en vacances avec son frère, ce qui lui arrive souvent. Quoi d'autre? La mort de ce mineur ne vous semble pas suspecte, docteur? Ses mains semblaient profondément brûlées, comme si elles avaient été exposées à une trop grande dose de radiation. Or, je ne vois écrit nulle part que l'on a décelé dans les forages antérieurs la présence d'uranium. Il est précisé, par contre, que l'éclat d'un diamant de taille exceptionnelle était tel que tous ceux qui l'avaient approché furent victimes d'horribles brûlures. Je sais que tout ceci n'est que légende et folklore, mais peut-être s'agirait-il du Whitefire, un diamant unique au monde, qui se serait formé il y a des milliers d'années dans la lave des volcans en activité. Porté à l'incandescence, il brûlait auréolé de flammes aux lueurs vives, il avait un pouvoir fatal. Bien, messieurs, au travail. Qui trouvera la fille, trouvera l'homme. Et en premier lieu, vous savez. Vous nous suivez. Parfaitement en règle. Juste une petite visite de routine. Tous les deux, au premier. Que veut dire tout ce cirque? Nous cherchons quelqu'un. Eh ben, vous cherchez au mauvais endroit. On sait jamais. Qui sait? Hé, venez voir. Elle vaut le coup. Ouvrons un peu ce coffre-fort. Les voyeurs, dehors! Danse! Non, inutile, elle n'est pas là. Mes excuses les plus sincères, madame. Mais vos pensionnaires peuvent parfois avoir des clients plus ou moins désirables. Bien entendu, vous serez dédommagés. Dites à qui vous savez que nous l'indemniserons des dommages que nous leur avons occasionnés. Dites-le lui vous-même. Les bons comptes font les bons amis. Je ne vous retiens pas. Mais nous nous en allons. Alors faites-le. Et vite. Je m'excuse, madame, pour nos mauvaises manières. Sortez! Sortez! Et la prochaine fois, évite de la ramener. Que faisait Paidin chez Ilmaz? Je n'en sais rien. Je veux savoir. Mais je ne sais rien. Barbossa! Je vous assure que je ne sais rien. Je ne sais rien. Ah, non! Non, je ne sais rien, Barbossa! Non! Non! Lâchez-moi, parce que je vous dis que je ne sais rien. Je vous assure, je n'ai pas pu entendre ce qu'il se disait. Je n'ai pas pu entendre. C'est faux! J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Sans blague. Tu me prends pour une imbécile? Je vous assure. Tu te tais parce qu'ils t'ont payé pour ça? Je n'ai rien entendu, je vous jure. Non. Tu ne sais pas de quoi ils ont parlé? Non. Je vais te le dire, moi. Ils ont parlé du Whitefire. Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'ils ont dit du Whitefire? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le Whitefire? Je vous jure que je ne sais pas. Où l'ont-ils caché? Je vous en supplie, pas ça! Non! Non! Non! Olga. Ah, merci. Je n'aurais jamais pensé que c'était si long, 3 semaines. Peut-être, mais vous allez être si heureuse de votre nouveau visage. Vous devez être prêt à apparier d'un jour à l'autre. Combien d'hommes serez-vous en tout? 20. Aucun problème. Vous êtes sûr de l'équipage? Comme de moi-même. Et vous, d'Apaïdin? Oui, j'en ferai mon affaire. Et comment allez-vous les transporter? Nous avons l'équipement et le matériel approprié à la mine. Le matériel approprié? Oui. Pour éviter les radiations du Whitefire. Transporter une telle pierre n'est pas une entreprise aisée. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux effectuer le transbordement de nuit? Non. Parce que j'aurais pris toutes les dispositions adéquates. Et je suis le seul à pouvoir me déplacer. La nuit ou le jour, à vous de décider. La présence du Whitefire à notre bord est la seule chose qui compte. Mike! Hey, Mike! Where do we go from here? Follow the sea. No road is long enough, so we'll ride it for free. Je rêve. C'est fantastique. Mais dis-moi, tu veux vraiment prendre ce risque? J'ai fait tout ça pour toi. Pour moi? Parce que je t'aime, Mike. Non, non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas prendre le risque de te perdre comme... Comme Ingrid. Mais dis-le, c'est moi, Ingrid, maintenant. J'aurais fait tout ça pour rien. Je me rappelle toutes les choses que tu m'as dites, Mike. Tenter le tout pour le tout afin de quitter ce pays. Ne plus avoir à mentir, ni à se cacher. Avoir foi en l'avenir. Ou serait-ce que tu as peur d'une autre? Olga! Ingrid. Je t'aime. Puis-je savoir ce que veut dire ce carrousel? Hey! Ils sont partis en mer. Alors, qu'est-ce que vous en dites? La copie vaut le modèle? Eh bien, fini les vacances. Passons maintenant aux choses sérieuses. Et en premier, il faut faire en sorte que tous nos amis apprennent qu'Ingrid est revenue. On pourrait donner une petite fête, par exemple. Ah ouais? Il faut qu'Ilmaz sache que sa secrétaire reprenne le travail. Le visage est parfait, mais il y a la voix. La voix, pour moi, elle est presque la même. Pour toi, peut-être, tu n'as jamais eu d'oreille. C'est dangereux. Remettre au travail. T'inquiète pas, laisse-moi faire. Dis-moi, tu penses toujours à cette petite fête? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'inviter Ilmaz. Mais dis aussi que tu n'as pas confiance en moi. J'ai toute confiance en toi. Mais Ingrid n'accepte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu vois, si pour toi je suis Ingrid, où est le problème? J'en fais mon affaire de Yilmaz, il ne me fait pas peur. Et si nous voulons le Whitefire, on n'a pas le choix. Yilmaz, merci pour ces bonnes vacances. Un peu longue peut-être. Vous allez devoir faire des heures supplémentaires. Ma sœur rattrapera le temps perdu, Yilmaz. Ah ça, pour ce qui est du tête-à-tête, c'est une experte. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Une charmante réception, en effet. Je vois que vous êtes toujours aussi élégante. Une création italienne. On peut rien vous cacher. Mike, je crois que nous devrions aller saluer tous nos amis. Je vous prie de nous excuser. Eh bien, puis-je vous offrir un verre pour fêter le retour d'Ingrid? Avec joie. Un martini, peut-être. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? J'attendais qu'ils me préviennent. Ils m'ont parlé d'une semaine. C'est trop juste. Il faut 2 semaines. Il faut que je sois sur des gardes et il faut procéder de nuit. Je vais en parler à mon frère. C'est inutile. C'est moi qui commande et c'est moi qui fixerai le rendez-vous. Pour le Whitefire, nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur. Nous ne prendrons jamais assez de précautions. C'est pourquoi il faut que vous soyez avec moi jour et nuit. Vous êtes prévenu. Il n'y a pas Edin. Oh, j'ai oublié de vous dire. Il est en voyage d'inspection et il sera absent au moins un mois. Nous n'avons rien à craindre de ce côté-là. On dirait que sa voix n'est pas tout à fait la même et pourtant il n'y a pas de doute, c'est elle. Tu as raison. Mais c'est bien elle, j'en suis sûre. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Noah Barclay. J'ai eu une aventure avec lui. Il ne faut pas que je lui parle, il va me reconnaître. Il vaut mieux que je m'en aille. Mais tu es folle. Tu es Ingrid, tu n'es plus Olga. Viens. Viens, suis-moi. Ah, Noah. Noah, le donjon de la police. Je n'ai pas le plaisir de vous connaître. C'est une blague. Eh bien, je me présente, Mike. Mike Donnelly. Mac Donnelly. Oui, c'est exact. Mac Donnelly. Excusez-moi, mais puis-je me permettre de vous présenter ma sœur, Ingrid? Noah. Comment avez-vous pu me cacher une sœur aussi ravissante? Mike. Si je suis venu à cette fête, c'est parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Vraiment? Oui, oui, beaucoup de choses. Mais je ne pense pas que cet endroit soit particulièrement indiqué. Eh bien, quand j'aurai un moment, j'y penserai. À la police, Monsieur Donnelly. On obéit. Excusez-moi. Sachez que je n'aime pas les étrangers, ni la familiarité. Toutefois, pour votre charmante sœur, je ferai une exception. Car nous nous connaissons. Nous avons déjà été présentés l'un à l'autre au cours d'une réception à la mine le mois dernier. Je vous salue. C'est la tuer, là. Eh bien, docteur, ne pensez-vous pas que le moment est venu de vous mettre à table? Cette photo vous rafraîchira la mémoire. Je ne voudrais pas qu'il arrive malheur au docteur à cause de toi, n'est-ce pas? Où est-elle? Non, elle ne vous dira rien. Non. Une obéissance qui va te coûter cher. Tu vas être violée devant tes camarades. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alors, docteur? Je vous méprise. Parce que vous êtes de la police, vous croyez pouvoir tout vous permettre. Je vous hais. Je sais. Avec les femmes de votre espèce, le baisement, je le laisse au vestiaire. Et vous allez me dire tout de suite où elle est. Elle est partie, il y a 3 jours, avec Sam, l'Américain, qui est venu la chercher. Olga est sa sœur. Je ne comprends pas. Vous lui avez changé le visage. Et moi, j'ai marché. On va recevoir de la visite. Alors, pas de cadeau. Ingrid ou Olga, pour lui, c'est pareil. Le pire peut arriver. Mais on va le recevoir gentiment. Ne restons pas ici. À la maison. Que Marc et Robert fassent le guet. Et Mike, refuserais-tu de parler? Pas d'armes. Je ne veux que ce qui m'appartient. Il faudrait peut-être que je te montre sa photo. Serait-ce de ma sœur dont tu parles? De mon ex, petit ami. Il a compris. Ingrid, tu ferais mieux de rejoindre Ilmaz et dis-lui qu'il a intérêt à se dépêcher. Le plus tôt sera le mieux. D'accord. Bonne chance. Chaussures ? Et que ça brille. Oui. Et attention aux chaussettes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est prévu pour demain. Mike et Ingrid vous amèneront le White Fire. Demain? Je crois qu'il faudrait mieux les accompagner. Ah non,